Bank Bank. Écoute. On n'a jamais supplié qui que ce soit. Les enfants à part, on nous a jamais rien donné. C'est tant si je fais plus trop de reçois. Gros, si je me couche tard, bah c'est parce que j'ai charbonné. Putain de vécu, j'ai tant de choses à raconter. Mon esprit s'est forgé dans le feu. Tout ce que j'ai vu, ça m'a permis d'affronter, me pousser à toujours faire mieux. Ils nous aiment pas, on les aime pas, pourtant dès le départ ils nous ont trouvé sympa. Pas de stand-by, pas de sale bail, on a travaillé à deux car les amis ça paye pas. On a voulu le buzz et puis remplir le PayPal. On m'a dit fais du son et je suis arrivé plein de balles. Eh, tu feras rien si t'essayes pas. J'ai enfilé les gants, je suis revenu comme Rayman. Les autres faisaient du son, moi je ne faisais qu'écrire. Ils croyaient que j'étais con et peine à me relire. Je savais dans le fond que tout ce que je désire me rapporterait des ronds, ça sert à rien de mentir. Beaucoup de mes potes ne m'ont jamais compris. J'ai tout fait sans eux donc j'ai très vite appris. Les amis, j'en connais le prix. J'en avais tellement, mais le temps m'a tout pris. Ça fait partie de moi, je peux rien oublier. J'ai grandi si vite, j'ai compris certaines choses. Me dévier du chemin, ils ont bien essayé. Ils essaient toujours d'ailleurs à cette heure-ci. Quand ça me touche pas, mais je ferai comme si. Quand j'aurai gagné, je leur dirai pas merci. On se reverra quand je remplirai Bercy. On n'a jamais supplié qui que ce soit. Des enfants à part, on nous a jamais rien donné. C'est tant si je fais plus trop de rétois. Gros, si je me couche tard, bah c'est parce que j'ai charbonné. Putain de vécu, j'ai tant de choses à raconter. Mon esprit s'est forgé dans le feu. Tout ce que j'ai vu, ça m'a permis d'affronter, me pousser à toujours faire mieux. J'avais 16 ans quand la rue m'a scalpé. Les cages d'escalier sont devenues des dortoirs. Les bleus n'ont fait que me palper. Y'a rien à gratter, on se reverra pas au parloir. J'ai gratté, gratté comme un taré qui déborde d'un spi. Tu me demandes, je fais quoi dans la vie? Je charbonne sa mère comme c'est même pas permis. Eh, moi je veux pas finir au RMI. Le rap et moi c'était comme une évidence. J'ai toujours ces rimes qui se baladent dans ma tête. On se démerde tout seul car personne nous finance. Rémi, c'est ma team, dis-moi qui nous arrête. Ils ont voulu la guerre, on leur a fait la guerre. Ils en voulaient encore, on la refait encore. Gros, toute ma vie, moi j'ai croisé le fer, donc t'inquiète, j'ai du flair, ils auront pas ma mort. Ouais, je m'en fais pas, mental et courage dans mes deux mains ne forment qu'un. Si le rap est mort, c'est que je suis nécromancien. Je connais par cœur, ouais, trop fait pas l'ancien. Quoi qu'il arrive, j'arriverai à mes fins. Je sais ce que ça fait que de se tordre de faim. Bien sûr, je suis prêt à plonger dans le bain et leur montrer c'est quoi être un requin. On n'a jamais supplié qui que ce soit. Des enfants à part, on nous a jamais rien donné. C'est tant si je fais plus trop de rétoi. Gros, si je me couche tard, bah c'est parce que j'ai charbonné. Putain de vécu, j'ai tant de choses à raconter. Mon esprit s'est forgé dans le feu. Tout ce que j'ai vu, ça m'a permis d'affronter, me pousser à toujours faire mieux. On n'a jamais supplié qui que ce soit. Des enfants à part, on nous a jamais rien donné. C'est tant si je fais plus trop de reçois. Gros, si je me couche tard, bah c'est parce que j'ai charbonné. Putain de vécu, j'ai tant de choses à raconter. Mon esprit s'est forgé dans le feu. Tout ce que j'ai vu, ça m'a permis d'affronter, me pousser à toujours faire mieux. Bang, bang.